Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors, à défaut d'inviter ce soir, faire un petit peu un résumé, j'allais dire, par rapport au contexte santé-environnement. On parle beaucoup de l'environnement. Tout d'abord, parler des microplastiques, et pas microplastiques dans l'environnement. Alors, j'ai retrouvé un texte récent de Que choisir qui s'est beaucoup intéressé à ces microplastiques, en particulier par rapport aux bouteilles. Aux bouteilles en plastique, l'on trouve un peu partout, bien sûr dans les rayons des supermarchés, mais enfin tout ce qui peut contenir des liquides. Alors, une étude américaine avait fait le buzz il y a quelques mois. Des bouteilles d'eau minérale ou de source contiendraient des microplastiques. Que choisir a voulu avoir le cœur net en lançant ses propres analyses. Alors, faut-il s'inquiéter des microplastiques? Il s'agit d'eau en bouteille ou de l'eau du robinet. Du plastique dans vos moules. C'est ce que titrait Que choisir en septembre 2018. Le test portait à la fois sur les moules, les crevettes, le sel de mer, et ses résultats n'avaient rien de rassurant. Deux tiers de ces produits de la mer contenaient des microplastiques. Cette dénomination encore méconnue du grand public désigne de petits fragments de 5 mm maximum, dont une grande partie se compose de particules de plastique tellement minuscules qu'elles sont invisibles. Même avec une vue perçante, il est impossible de soupçonner leur présence. Microscopiques, elles s'infiltrent partout. Les travaux de recherche sont récents, mais dès qu'on les traque, on les trouve. Dans l'océan, bien sûr, présentes dans les soupes de déchets qui flottent avec des images spectaculaires qui en fait prendre conscience de la pollution plastique, mais aussi dans les rivières, les sols, l'air. Ainsi, semble-t-il, dans l'eau en bouteille. Une étude américaine avait fait grand bruit, comme je le disais à l'instant, c'était au printemps dernier. Sur 259 bouteilles représentant 11 marques d'eau minérale analysées, 93 étaient contaminées, à des degrés très divers. La moyenne était néanmoins élevée, avec 325 microfibres par litre d'eau, dont 95% d'une taille inférieure à 100 micromètres. Ces résultats suggèrent une migration de plastique issu des bouteilles elles-mêmes ou lors du conditionnement. Cependant, une autre étude, beaucoup moins médiatisée, était menée sur le même sujet, conduite par des chercheurs allemands. Elle porte, comme aux États-Unis, sur les eaux minérales, dont certaines vendues en bouteilles réutilisées, puisque la consigne sur ces contenants plastiques existe en Allemagne. Résultat, si cette deuxième catégorie est contaminée en moyenne par 118 particules de microplastiques, les bouteilles à usage unique n'en comptent que 14. Les échantillons de contrôle contiennent à peu près autant, ce qui suggère une contamination provenant de l'air ambiant. Alors que choisir, que dit-il? Face à ces résultats disparates, Que choisir a lancé ses propres analyses sur les eaux de bouteilles vendues en France à titre de comparaison sur l'eau du robinet. Nous avons que sélectionné, dit Que choisir, 20 marques, dont 16 eaux minérales et 4 eaux de source. En parallèle, nous avons fait, c'est toujours Que choisir qui le dit, des prélèvements d'eau du robinet dans 7 grandes villes. À chaque fois, 3 échantillons d'une même eau de ville ou 3 bouteilles d'une même référence ont été analysées. Nos résultats sont plutôt rassurants, dit Que choisir. Aucun microplastique n'a été détecté dans l'eau du robinet, pas plus que dans 11 marques d'eau en bouteille. Il s'agit bien sûr d'eau provenant des sources françaises. Les 9 autres en contiennent infiniment peu, juste à l'état de trace, soit 1 microfibre par litre maximum. Rien d'inquiétant. Alors comment expliquer de tels écarts entre études? D'abord, par l'absence de méthodes de prélèvement et d'analyse reconnues fiables par l'ensemble de la communauté scientifique. Ensuite, par les tailles des microplastiques infiniment variées. entre la détection de particules de 0,5 mm et celles qui correspondent à un millième, voire à un millionième de millimètre, on ne peut pas procéder de la même façon. Les analyses de microplastiques sont beaucoup plus complexes que celles de tous les autres micropolluants, qu'il s'agisse de pesticides ou de résidus de médicaments dans l'eau. C'est ce que confirme Gaël Durand, directeur délégué à la recherche et au développement chez Labocéa, un laboratoire breton qui travaille notamment sur les microplastiques. La préparation d'échantillons à analyser est infiniment plus délicate. Les sources de contamination en microplastiques ne sont pas toujours maîtrisées. Voilà. À titre d'exemple, des microplastiques provenant des vêtements synthétiques portés par les opérateurs peuvent se déposer dans l'échantillon analysé. De même, ceux qui sont présents dans l'air sont susceptibles de la contaminer le temps du prélèvement. Quand on a commencé à analyser les microplastiques en sortie de nos stations d'épuration, se souvient Janine Albertini, responsable du projet microplastique chez Suez, on obtenait, dit-elle, des résultats incompréhensibles tant il était disparate. On a fini par découvrir que nos blancs, des échantillons témoins d'eau distillée, pouvaient être pollués par des microplastiques présents dans l'air. Et puis des méthodes identifient à coup sûr les microplastiques d'autre part. L'étude allemande sur les eaux en bouteille a identifié tous les microplastiques détectés. Elle a réalisé des blancs. C'est une nécessité absolue pour s'assurer de la fiabilité des résultats. C'est ce que souligne Fabienne Lagarde, spécialiste des microplastiques et maître de conférence à l'Institut des molécules et matériaux de l'Université du Mans. L'étude américaine ne parle pas d'échantillons témoins. Elle utilise la méthode du colonel Neil Redd pour les particules inférieures à 100 micromètres. Elle n'est pas spécifique au plastique. Elle peut détecter des microparticules qui n'en sont pas. Dans nos études, souligne cette personne, quand on trouve 100 particules, il arrive que seulement 10% soient identifiés comme des microplastiques. De plus, on ne publie nos résultats que si l'on fait des blancs. Prendre en compte la contamination ambiante est essentiel quand on recherche des microplastiques. Alors que conclure par rapport à cet article que j'ai découvert dans Que choisir pour le mois de février. C'était déjà le mois passé, mais c'était valable aussi pour le mois de mars. D'où viennent ces microplastiques? Ils peuvent venir aussi de l'air ambiant, des textiles, de ceux qui procèdent aux analyses. Alors, ce qui n'empêche qu'on est quand même dans une consommation de plastique absolument frénétique aujourd'hui. Ils sont en effet omniprésents dans notre environnement. Quant aux coupables, c'est nous et notre consommation frénétique de plastique. Nous en raffolons depuis des décennies et de plus en plus, en dépit de la prise de conscience grandissante sur ces méfaits, notre dépendance s'aggrave. Si le monde entier n'en produisait que 10 millions de tonnes dans les années 60, c'est 30 fois plus en 2014 avec 300 millions de tonnes. Et depuis, ça ne fait qu'empirer. On a atteint 348 millions en 2017. La croissance est en moyenne de plus 3-7% par an, avec un débouché qui écrase tous les autres, l'emballage. Le problème, c'est que le plastique est très peu recyclé ou incinéré. À 70%, il finit dans les décharges ou dans la nature. Il se dissémine d'autant plus facilement que le plastique d'emballage se caractérise par sa légèreté. Une partie rejoint les rivières et les océans. Par conséquent, lorsque les scientifiques naviguent dans des soupes de déchets flottant sur les océans, c'est surtout de l'emballage qu'ils trouvent. Pour 59% du total sur les plages, 50% des déchets ramassés sont même des plastiques à usage unique. Même si leur élimination en mer ou dans la nature prend des siècles, leur décomposition en fragments intervient beaucoup plus vite. Certains sont gros, d'autres microscopiques. Ce sont les fameux microplastiques. Voilà, donc, il n'y a pas que les bouteilles en plastique. On s'aperçoit quand même que que tous les emballages plastiques se retrouvent à un moment ou l'autre dans la nature s'ils n'ont pas été effectivement incinérés ou recyclés d'une autre manière. Ils proviennent aussi, ces emballages, ces microplastiques, d'autres sources, et en particulier de nos vêtements synthétiques. S'ils en libèrent un peu dans l'air, leur lavage en relargue des quantités phénoménales. Les microbilles des cosmétiques, des dentifrices et des détergents en sont responsables aussi. De même que l'usure des pneus sur les routes, tout cela se retrouve dans les eaux usées. Alors que dire par rapport bien sûr aux microplastiques sur les routes, enfin sur les microbilles qu'on peut retrouver sur les routes, qu'on lutte très peu contre ce phénomène. Il faut espérer que les diminutions de vitesse pourront contribuer à diminuer aussi ce problème de déchets sur les routes. Voilà, tout cela se retrouve dans les eaux usées, disais-je. Alors, nous décomptons entre une centaine et quelques milliers de microfibres de plus de 10 micromètres par litre à l'entrée de nos stations d'épuration. C'est ce qu'assure Jean-François Loret, responsable du département santé et environnement au CIRSE, le principal centre de recherche sur l'eau et l'environnement du groupe Suez. Il s'agit à 90% de microplastiques. Ils proviennent avant tout du lavage en machine des textiles synthétiques. Selon la technologie en place, de 80 à 98% sont éliminés en sortie de nos stations d'épuration. Leader avec Veolia de la distribution d'eau, Suez et recherche aussi dans l'eau potable. Mais pour nous, les microplastiques sont essentiellement un problème environnemental, poursuit le responsable santé et environnement. Nous avons, par exemple, analysé l'eau distribuée par l'usine de production d'eau potable de Viry-Châtillon. Elle prélève l'eau de la Seine, qui contient quelques dizaines de microfibres par litre. Après traitement de potabilisation, nous avons détecté entre 0 et 2 fibres par litre, soit exactement comme les témoins d'analyse réalisés avec une eau ultra pure. Et que choisir d'ajouter? Notre test se confirme. Si les microplastiques sont une véritable préoccupation, ce n'est pas dans l'eau du robinet qu'ils posent problème, ni dans les eaux en bouteille, en tout cas avec les méthodes d'analyse disponibles. Que choisir ne peut cependant certifier qu'il n'y détectera jamais rien. Les scientifiques multiplient les recherches, les moyens analytiques sont appelés à devenir encore plus performants. Voilà donc par rapport aux microplastiques, ce qui n'empêche quand même que si on n'en trouve peut-être pas beaucoup dans l'eau du robinet, pas dans les eaux en bouteille, on en trouve ailleurs et ils empoisonnent quand même l'environnement, puisqu'on en retrouve bien sûr dans les poissons, dans les crevettes et autres crustacés. Je crois que c'est là, on a un véritable problème environnemental par rapport à ces microplastiques, d'autant plus que ils contiennent aussi des perturbateurs endocriniens. On en revient toujours là, et que ces perturbateurs endocriniens, est-ce qu'on a véritablement poussé les analyses jusqu'à les retrouver dans l'eau courante? On ne sait pas trop, tout comme bien sûr les résidus médicamenteux qu'il peut avoir dans l'eau courante. Est-ce que les tests effectués par des compagnies privées comme Veolia sont absolument, neutres? On peut toujours en douter, puisque de toute façon, leur rôle, c'est de distribuer une eau la plus potable possible pour répondre au cahier des charges, en particulier des collectivités territoriales. Alors, il subsiste quand même un gros doute par rapport à ces microplastiques. Et on le retrouve aussi sous d'autres formes que, bien sûr, que l'eau en bouteille ou que l'eau du robinet, puisque des tests ont bien mis en avant le fait qu'on en absorbait dans les crustacés en particulier, en mangeant des crustacés ou en mangeant du poisson. Que dire encore par rapport à ces microplastiques? Eh bien, que de toute façon, il s'agit bien d'emballages uniques, hein, qu'on retrouve un peu partout, qui n'ont pas été détruits, y compris dans la nature. C'est très polluant, bien sûr, et quand cessera-t-on de produire ces emballages uniques en plastique, hein? Je prends toujours un exemple qui m'est personnel, puisque j'ai eu à constater que dans une boulangerie semi-industrielle, on va dire, hein, de Gérardmer, eh bien, les produits à disposition du consommateur, surtout ceux en solde, étaient disponibles avec des sachets en plastique. On peut se demander pourquoi on ne met pas des sachets en papier, tout simplement pour ne pas multiplier, alors qu'on sait très bien que les sachets en plastique, normalement, devraient être interdits par rapport à certains emballages. Eh bien, tout simplement, la vendeuse m'a dit, ben, c'est qu'on puisse voir avec certitude le produit qu'à l'intérieur du sachet, puisque c'est le consommateur lui-même qui le met. Alors, quand on en arrive là, on peut se dire que les emballages plastiques dans les supermarchés, par exemple, ont toujours la vie dure, puisqu'on continue d'emballer des fruits, des légumes, toujours dans des sachets en plastique. Et à la caisse, on distribue allègrement aussi des sacs en plastique de la marque de. Mais aujourd'hui, de la marque du magasin, mais aujourd'hui, c'est le consommateur qui le paye, alors qu'avant, il était mis gratuitement à disposition. Enfin, on peut penser quand même qu'on ne va pas du bon côté, question d'utilisation du plastique, alors qu'il faudrait mettre un frein absolu aujourd'hui à cette consommation effrénée de plastique qui libère, bien sûr, des microparticules. Voilà, je crois qu'avant de poursuivre, on va s'accorder une pause musicale et on va parler toujours d'environnement, hein, en résumant un petit peu ce qui a été dit et fait aussi à Radio Guémozo par rapport à l'environnement, et puis se projeter sur l'avenir avec des grèves partout dans le monde aujourd'hui pour dénoncer le réchauffement climatique en particulier. Si tu vas au bord de l'eau, si tu n'as pas ce goût amer, ce relent de caniveau, fais comme moi, mais y de la merde dans les rouleaux. Je veux des poissons ventre en l'air, des poissons sur le dos. Je veux du pétrole, je veux du pétrole. Total final, ta mort aura, je veux du chimique. Je veux du mazout à Copernic. Je veux du pétrole, je veux du pétrole. Total final, ta mort aura, je veux du chimique. Je veux du mazout. Dans le Lot ou en Bretagne, si tu n'y vois pas de traces de ce qui sent du dégueulasse, mais si donc du nitrate, mais en beaucoup faut pas que ça passe. Mais tous sur les choux-fleurs, sur les patates, je veux du pétrole, je veux du pétrole. Comme ça, le final, la mort aura, je veux du chimique. Je veux du mazout à Copernic, je veux du pétrole, je veux du pétrole. Comme ça, le final, la mort aura, je veux du chimique. Je veux du mazout à Copernic, je veux du pétrole. J'adore tous les pots d'échappement. Tu y trouveras tout ce que tu veux. Tu y verras même des lépreux. Le bleu du ciel et ses étoiles jamais ne te feront de mal. Je veux du pétrole. Total final, la mort aura. Je veux du chimique. Je veux du mazout à Copernic. Je veux du pétrole. Total final, la mort aura. Je veux du chimique. À surprise générale. Je veux du mazout à Copernic. Je veux du pétrole. Je veux du pétrole. Total final, la mort aura. Je veux du chimique. Je veux du mazout à Copernic. Je veux du pétrole. Je veux du pétrole. Total final, la mort aura. Je veux du chimique. Je veux du mazout à Copernic. Je veux du pétrole. Bien voilà, nous reprenons l'antenne pour ce magazine Santé et Environnement, en sachant bien que nous avons consacré successivement des magazines, un magazine au moins en ce qui concerne, de la parole est à vous bien sûr, en ce qui concerne les pesticides avec les coquelicots, que nous avons aussi avec les docteurs Didier Henry et Jean Tisserand parlaient des problèmes environnementaux, santé et environnementaux, dans un magazine santé. Et aujourd'hui, il faut quand même revenir un petit peu sur justement cette mobilisation de la jeunesse, en particulier sur les problèmes environnementaux. Alors, que dire par rapport à ça ? Il faut en tirer des leçons, hein, que véritablement, on commence à voir arriver quand même des préoccupations très fortes par rapport au réchauffement climatique. Je crois que c'est un tout au point de vue environnement aujourd'hui. Hein. Là, à l'instant, je parlais des microplastiques. On peut parler de la déforestation aussi, qui hâte le réchauffement climatique. On peut parler aussi de la disparition des espèces, qui n'est pas forcément liée au réchauffement climatique. Voilà, je crois qu'on peut dire que, et je le répète souvent, que l'écologie n'est pas soluble dans le capitalisme aujourd'hui, et que même si certaines fondations, si certains syndicats s'adressent au pouvoir aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez de mesures prises en France pour lutter contre le réchauffement climatique, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des responsabilités du côté de la finance et des multinationales et qu'on n'en parle que trop peu. Je crois qu'il y a un virage économique à prendre, aussi bien pour les énergies renouvelables que pour les problèmes environnementaux en général. Alors, il y a aujourd'hui des grèves partout dans le monde. En plus des dizaines de milliers de Françaises, la jeunesse s'est notamment mobilisée à Bruxelles, Londres, Berlin, Naples, Helsinki, Madrid, New York, au Cap, dans l'Afrique du Sud, à Glasgow, à Kampala, en Ouganda, à Tokyo, à Séoul, en Corée du Sud, en Inde et même en Nouvelle-Zélande, malgré l'attentat de Christchurch, pour réclamer que la lutte contre le changement climatique et pour la protection de l'environnement devienne une priorité mondiale. Au total, 1600 regroupements dans 125 pays étaient prévus pour cette journée de grève planétaire. D'après l'ONG 350.org, qui a participé à l'organisation, plus d'un million de personnes sont descendues dans la rue à travers le monde. Ce mouvement historique de grève a été initié l'été dernier par l'adolescente suédoise Greta Thunberg, devenue la figure mondiale du mouvement citoyen. Même si certaines critiques ont été émises vis-à-vis de cette jeune personne de 16 ans, qui dit que elle est aussi soutenue par des financements plus ou moins contestable, il n'empêche quand même que cette jeune Suédoise a eu le mérite de déclencher cette mobilisation de la jeunesse pour le climat, hein, en sachant que, encore une fois, le problème du réchauffement climatique n'est pas le seul à traiter dans les années à venir. Il y a des problèmes tout aussi urgents. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger, bien sûr, ce problème de réchauffement climatique. Alors, il y a un front commun aujourd'hui avec les Gilets jaunes et les syndicats. Dans le sillage du pacte du pouvoir de vivre de Hulot et Berger, Berger, il s'agit de la CFDT, les manifs réunissent lutte sociale et lutte écologique ont eu lieu le samedi dernier dans toute la France. Fin du monde, fin du mois, même combat. Encore marginale et inaudible, voilà quelques mois, la convergence des luttes écologiques et sociales s'amplifie et se concrétise. Lors de son retour médiatique fin novembre, en plein essor du mouvement des Gilets jaunes, Nicolas Hulot l'avait martelé comme un mantra. L'ex-ministre de la Transition écologique, qui l'été dernier avait averti en vain l'exécutif d'assortir la taxe carbone d'un coussin social digne de ce nom pour aider les plus modestes, avait martelé les mots « solidarité » et « rassemblement ». Alors, est-ce que Nicolas Hulot était véritablement sincère? Parce que lui, de son côté, bien sûr, il y a quand même tout un business derrière lui. Et puis bien sûr, quand on parle du réchauffement climatique, encore faudrait-il examiner le problème dans toute son ampleur, hein, y compris par rapport au nucléaire, parce que ce serait trop facile de déclencher la construction de centrales nucléaires d'une deuxième génération qui n'est d'ailleurs pas trop fiable, cette génération de centrales nucléaires, et puis d'enfouir les déchets provenant de cette industrie, comme c'est le cas à Bure, où on a délogé, bien sûr, les écologistes. Hein, est-ce que Nicolas Hulot, sa fondation et les personnes qui aujourd'hui se mobilisent contre le réchauffement climatique sont sincères? Ce sera à voir et ce sera aussi aux électeurs d'en décider, les électeurs ou citoyens d'en décider, bien entendu. Début mars, à une semaine de la fin du grand débat national, Hulot persistait et signait en appelant avec le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, à rendre définitivement indissociable l'enjeu écologique et l'enjeu social. Fort du soutien de 19 associations, ONG et syndicats, les deux hommes ont lancé un pacte du pouvoir de vivre, déclinant une série de 66 propositions visant à allier justice sociale, lutte contre les inégalités et transition écologique. Au menu, entre autres, un Big Bang fiscal, parce que la fiscalité actuelle n'est pas juste, que le partage de l'effort n'est pas équitable, et la promesse de porter le pacte lors de la marche du siècle pour le climat de ce samedi dernier. Preuve que le sujet porte de plus en plus, Laurent Berger et une délégation de signataires du pacte ont été reçus vendredi par le successeur de Hulot, François de Rugy. Dans une vidéo du collectif des youtubeurs, on est prêt, soutenant le recours en justice de 4 ONG contre l'inaction climatique de l'État, déposée jeudi. Le patron de la CFDT a appelé le gouvernement à adopter des mesures qui prouvent que la transition écologique doit être sociale. Alors, que dire par rapport aux positions de Laurent Berger de la CFDT? C'est qu'on a l'impression que Laurent Berger prend le train en marche, hein, parce qu'il y a un mouvement puissant de la jeunesse derrière. Les préoccupations citoyennes, en particulier des jeunes, vont vers l'environnement et le réchauffement climatique. Est-ce que c'est une position purement tactique? Est-ce que du côté de la CFDT, Nicolas Hulot, on essaye de détourner un petit peu l'attention sur tous les problèmes sociaux et écologiques, hein, avec cette prise de conscience tardive de leur part? On peut se poser la question, étant entendu également que on retrouve ces préoccupations chez les Gilets jaunes de plus en plus. Parmi elles, des demandes de taxes conséquentes sur les entreprises polluantes. Je crois que ça paraît absolument normal, hein, puis que des aides soient sélectives. Aujourd'hui, on distribue un CICE, on va distribuer, paraît-il, en 2019 du CICE à la hauteur de 40 milliards. Ça fige aussi les possibilités autres fiscales de pouvoir venir en aide pour justement la transition énergétique. Et puis surtout, ça grève bien sûr indirectement le budget des ménages, puisque les salaires n'augmentant pas, le coût de la vie augmentant, bien sûr, il y a de plus en plus de ménages qui décrochent aujourd'hui. Voilà, donc il faudrait une baisse de la TVA sur les transports en commun. Malheureusement, on a l'impression qu'on va dans le sens contraire, puisqu'on supprime des lignes SNCF comme celle de Saint-Dié, ce qui est un véritable scandale. Il faudrait des aides, des hausses des aides à la rénovation thermique des logements, la réorientation des subventions au modèle agricole industriel vers un modèle écologique, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un réel problème. Aujourd'hui, qui pollue, qui paye, c'est souvent les plus petits qui payent, alors que l'agriculture industrielle, aujourd'hui, pollue largement les sols. Voilà donc la fin des investissements des banques, des entreprises et de l'État dans les énergies fossiles. Des mesures soutenues dans la même vidéo par Priscilla Ludowski, l'une des figures des Gilets jaunes, au motif que ce sont les plus fragiles, ceux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, qui sont le plus durement touchés. Mardi, lors d'une conférence de presse conjointe de la Marche des Solidarités et de la Marche du siècle, la jeune femme a elle aussi insisté sur le lien entre écologie et social, arguant que le mouvement des Gilets jaunes, loin de s'essouffler, grandit et évolue avec des actions communes entre les gens qui n'avaient pas l'occasion de travailler ensemble et qu'on opposait. Alors à ce propos, je dois ajouter, mais ça c'est moi qui le dis aujourd'hui, que je consacrerai une chronique justement à ce problème des Gilets jaunes et du grand débat national, qui ne va pas du tout dans le sens que l'on pourrait croire aujourd'hui et qui va se terminer bien évidemment par un rideau de fumée sur les revendications prioritaires, dont celles qui sont portées par rapport à l'environnement, mais aussi sur le social. Voilà, on retrouve la jeune femme, il s'agit de Priscilla Ludowski, la jeune femme a elle aussi insisté sur le lien entre écologie et social, arguant que le mouvement des Gilets jaunes, loin de s'essouffler, grandit et évolue vers des actions communes entre les gens qui n'avaient pas eu l'occasion de travailler ensemble et qu'on opposait. Voilà, au risque de se répéter la parole, on voit bien quand même qu'il y a une convergence et que cette convergence ne se reflète pas, malheureusement, dans le grand débat national. Mais j'y reviendrai d'une autre manière. Voilà, donc, que dire encore ? Histoire de prouver que face à la division que d'aucuns tentent de créer, elles sont unies et font front allant au même système qui détruit l'humain et la planète. Plus d'une trentaine d'organisations associatives et syndicales, dont ATTAC, Oxfam, mais aussi la CGT, pourtant réputée moins ouverte aux questions écologiques, appelaient à manifester samedi dernier en faveur d'un printemps climatique et social, avec les Gilets jaunes et dans le sillage des plus de 140 organisations appelant à la marche du siècle. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à l'environnement. Pour moi, j'ai un peu l'impression qu'on va encore en ordre dispersé pour le moment, mais qu'il y a une prise de conscience globale que la marche de nos sociétés nous amène à une catastrophe écologique, c'est certain, et que ce n'est pas les réponses qui sont données aujourd'hui par la finance internationale, par les multinationales, qui sont les bonnes, ces réponses. Et loin s'en faut, puisque, de toute façon, on privilégie le profit à court terme au détriment de l'environnement. Voilà, on va s'accorder une deuxième pause musicale avant de poursuivre sur un dossier qui est particulièrement sensible aussi en ce moment, qui est celui des problèmes des antibiotiques.

qui sera diffusée donc ce soir à 20h50. Parallèlement à l'émission La Parole est à vous, mais vous pourrez retrouver La Parole est à vous sur notre site, bien entendu. Et puis bien sûr, postcasté aussi sur Arte. Et disponible, il sera disponible sur libération.fr. Le professeur Pierre-Marie Girard, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital parisien Saint-Antoine, est l'un des meilleurs spécialistes de l'usage, mais surtout du mésusage des antibiotiques. Il a regardé pour Libé le documentaire d'Arte. Lui aussi estime que l'heure est grave. Ce documentaire prédit pour très bientôt la fin de l'efficacité des antibiotiques. Faut-il être inquiet ? Très inquiet, répond ce professeur. Ces cris d'alarme sont largement justifiés et le phénomène décrit dans ce documentaire est fidèle à la réalité. La question n'est pas de savoir si on risque d'arriver à des impasses thérapeutiques anti-infectieuses, mais plutôt quand elles surviendront, faute de mobilisation mondiale et multidisciplinaire. Il n'est pas exagéré de craindre la survenue d'une ère post-antibiotique telle qu'annoncée par l'Organisation mondiale de la santé, où les antibiotiques ne seraient plus efficaces. Et là, l'impact sur la santé serait considérable avec son cortège de souffrances, de décompensations, de pathologies chroniques sous-jacentes, de séquelles graves et de morts. Sans oublier la diffusion large des bactéries résistantes. L'estimation terrifiant de 10 millions de morts de maladies infectieuses liées à la résistance aux antibiotiques en 2050, fondée sur des hypothèses et des modélisations, est plausible. La mortalité des maladies infectieuses dépasserait celle des cancers, comme au début du XXe siècle. Ce scénario est donc prévisible, interroge Éric Favreau pour Libération. C'est une prévision, mais il serait irresponsable de rester aveugle, enfermé dans un optimisme béat, fondé sur l'arrivée hypothétique de nouveaux antibiotiques surpuissants. Dès maintenant, on estime que 700 000 personnes meurent chaque année dans le monde, dont 5 500 en France, directement ou indirectement, d'une affection à germes résistants aux antibiotiques. L'Organisation mondiale de la santé, d'ici à 2050, les bactéries... C'est selon l'Organisation mondiale, les bactéries résistantes induites par la surconsommation d'antibiotiques et à l'exposition environnementale, aux eaux usées par exemple, seraient responsables de la mort de 2,4 millions de personnes dans le monde. Une fois de plus, ce sont l'Asie et l'Afrique qui payeront le plus lourd tribut. Reste que les débats d'experts autour des chiffres tiennent souvent à la difficulté de prouver l'imputabilité directe de la résistance aux antibiotiques, hein, en sachant aussi que des études épidémiologiques sont rares en la matière. Les effets d'une infection à bactéries multirésistantes sont variables et, pour faire court, varient en fonction de l'état clinique du patient infecté. Des bactéries multirésistantes peuvent être hébergés sans conséquence chez le patient hôte. La situation peut devenir dramatique sur des terrains fragilisés. On peut aussi s'étonner du développement en particulier de la maladie de Lyme. Hein, quand on sait que les organismes sont porteurs aujourd'hui de la maladie de Lyme. Par l'intermédiaire de poux de bois. Donc 2-4 millions de personnes. Et l'estimation de 10 millions de morts de maladies infectieuses liées à résistance aux antibiotiques est plausible. La mortalité de ces maladies dépassant celle du cancer, donc comme au début du XXe siècle. Je crois qu'il est bon de le répéter. Voilà, nous ne pourrions pas vivre sans héberger, bien sûr, des millions de bactéries sur et dans notre corps. La peau, par exemple, est naturellement en contact avec les staphylocoques. Parmi bien d'autres espèces, on parle de flore bactérienne qui s'y dépose et peut y demeurer. Il y a 30 ans, nous avons connu un problème majeur avec l'émergence de résistants de ces staphylocoques, qui ont été en grande partie contrôlés par deux types de mesures. D'abord, un meilleur usage des antibiotiques dans le sens d'une restriction aux seules infections actives et non de simples portages. Il y a urgence à arrêter de prescrire tout azimut des antibiotiques largement prohibés par les firmes pharmaceutiques, mais parfois aussi prescrits par facilité. Deuxième mesure, la solution hydroalcoolique qui a tout changé. Quelques secondes de friction des mains sont suffisantes. Son accès universel dans les lieux de soins a permis de réduire de façon drastique la diffusion de la résistance des staphylocoques, au point que la simple consommation des solutés hydroalcooliques est le meilleur marqueur d'efficacité et du contrôle de la résistance en milieu de soins. Là, je crois que oui, il y a eu des progrès quand même très significatifs par rapport aux affections nosocomiales, hein, qui étaient quand même... un problème particulièrement aigu dans le milieu hospitalier. Et qu'en est-il des autres bactéries, hein? Là, on parle des staphylocoques. Ce sont des bactéries universelles présentes dans le tube digestif, des entérobactéries qui posent aujourd'hui un énorme problème de résistance, tant pour leur sévérité potentielle que leur expansion mondiale très alarmante. À ce jour, aucune ligne d'antibiotiques n'échappe au risque de développement de résistance bactérienne à leur encontre. Et même un antibiotique comme la colistine, la dernière ligne de sauvetage, récemment ressortie des placards des pharmaciens, devient inefficace chez les patients asiatiques. Donc, il est trop tard. On peut se poser la question. Nos chercheurs de répondre, il n'est jamais trop tard, a fortiori quand on connaît les moyens efficaces de contenir cette pandémie de résistance bactérienne. On peut désormais, par un diagnostic précoce de l'origine bactérienne et non virale de l'affection, et aussi par la présence ou non de résistance, donner le bon antibiotique, autrement dit correctement ciblé dès le début de l'infection, plutôt que d'utiliser par simplicité des antibiotiques dits à spectre large qui vont induire très vite un renforcement de la bactérie. Des tests rapides de diagnostic de la résistance arrivent. Autre levier d'action, réduire la durée du traitement. Pendant longtemps, l'usage enseigné à la faculté était surtout ne pas les interrompre le traitement trop tôt après la disparition des symptômes. Grâce à des études comparatives à grande échelle, les démonstrations de l'efficacité identique des traitements raccourcis s'accumulent. Hein, parce que je crois qu'on nous l'a seriné assez souvent, il faut prendre des antibiotiques pendant une semaine. Hein, même si ces antibiotiques vont détruire forcément la flore intestinale et puis vont produire des effets secondaires dans le corps. Or, aujourd'hui, on n'en est plus là, apparemment. Enfin, il y a ce problème de marché noir des antibiotiques qui est un moteur très important de l'émergence de résistance des bactéries. En Afrique, dans certains pays d'Asie ou d'Amérique du Sud, ces médicaments sont souvent en vente libre hors de tout contrôle pharmaceutique et distribués par des circuits parallèles, notamment sur les marchés. Ils sont mal ou peu dosés, situation idéale pour favoriser des résistances, sans parler de l'insuffisance d'efficacité. D'où des impasses thérapeutiques. En 2019, les situations d'impasse quasi totale demeurent limitées en France, mais la menace est réelle. Dans ces situations, nous ne disposons alors plus que d'antibiotiques difficiles à utiliser, avec des effets secondaires potentiellement sévères. Mais qu'en est-il de l'administration massive d'antibiotiques chez les animaux? Là, il y a bien un problème terrible par rapport à ça. Et ce chercheur de dire cela reste terrifiant et profondément choquant, puisque la finalité unique de cet usage largement répandu est d'accélérer la croissance des animaux dans le seul but d'améliorer la rentabilité. C'est une consommation énorme et tous les pays, sans exception, sont touchés. Dans certains d'entre eux, 90% de la production des antibiotiques est à cette seule fin. En dépit des cris d'alarme de l'OMS, les restrictions demeurent marginales. Les animaux, bétail, volailles directement ou indirectement, via les contaminations environnementales, sont ainsi devenues principales sources de bactéries multirésistantes chez l'homme. Est-il exact que l'industrie pharmaceutique abandonne ce domaine de recherche? Cela n'est pas nouveau, disent les chercheurs. Depuis les années 80, les grandes firmes se sont désinvesties. Les raisons, les maladies infectieuses se raréfiaient dans les pays riches. Nous avions alors une panoplie conséquente d'antibiotiques. La résistance était exceptionnelle ou rare. Les affaires tournaient bien. Les antibiotiques dits nouveaux n'étaient en réalité que de très proches cousins de ceux déjà sur le marché, dont les brevets arrivaient à expiration. Et pourquoi cet abandon? Essentiellement parce que le marché est très réduit. Lorsque l'épidémie de résistance a débuté, elle concernait surtout des patients gravissimes dont le pronostic vital était compromis. Ce marché était souvent non solvable puisque la résistance à certains antibiotiques était prépondérante dans les pays à faibles ressources. En somme, l'innovation dans le champ des antibactériens s'est endormie à l'instar de celle des antiparasitaires dont le marché était quasiment exclusivement situé dans les pays en développement. Espérons que l'urgence actuelle va relancer non seulement la recherche fondamentale, mais surtout le développement et la mise au point de nouveaux antibiotiques. Convaincre les firmes de se réengager dans ces médicaments est une tâche difficile, puisqu'il s'agit de développer des médicaments dont l'usage sera par définition restreint, afin d'éviter l'acquisition de résistance à ces nouveaux antibiotiques. L'ONU vient d'afficher l'antibio-résistance dans les priorités de développement. À vous entendre, demande-t-on aux chercheurs, hein, il s'agit, je le répète, du chef du service des maladies infectieuses, Pierre-Marie Girard, à vous entendre, lui demande-t-on, l'avenir reste sombre. C'est comme avec le réchauffement climatique. Si rien ne bouge, il manque juste la date de la catastrophe. Voilà ce qu'il fallait dire par rapport à cette antibio-résistance qui nous guette et qui peut provoquer catastrophe sanitaire. Hein, et je crois que là encore, le fait qu'on va restreindre les soins dans les hôpitaux, demain, l'accès aux soins pour les hôpitaux avec ce plan santé 2022 ne va pas dans le bon sens. Dans le bon sens parce qu'on peut quand même plus facilement étudier, surtout dans le milieu hospitalier, cette antibio-résistance qui préoccupe tant les chercheurs aujourd'hui. Voilà ce que l'on pouvait dire. Alors j'en termine simplement avec le problème des complémentaires santé, puisque contrairement à ce qui était dit, le fait du reste à charge zéro va peser entièrement sur les complémentaires santé, dont les mutuelles. Les témoignages reçus à Que choisir l'attestent. Les tarifs des complémentaires santé ont sensiblement augmenté entre 2018 et 2019. Il serait temps que l'assuré puisse résilier son contrat à tout moment, comme le souhaite l'UFC Que choisir. Alors, est-ce que c'est véritablement la solution de résilier son contrat de santé et puis de prendre une autre mutuelle ou une autre compagnie d'assurance? Personnellement, je ne le pense pas, puisque de toute façon, les dépenses de santé par les complémentaires santé explosent, c'est bien évident. Hein, et puis, le reste à charge, mis à charge, pourrait-on dire, des complémentaires santé par le gouvernement, puisque l'assurance maladie n'interviendra pas, va provoquer de toute façon des hausses de tarifs, parce qu'il faut bien, pour une compagnie d'assurance ou une mutuelle, équilibrer ses comptes. Hein, la sécurité sociale peut se permettre d'être en déficit, pas une mutuelle bien sûr, autrement ça serait la faillite pure et simple. Donc quand le gouvernement dit, promis juré, la mise en œuvre du reste à charge n'aura pas d'incidence sur les tarifs des complémentaires santé, je crois que c'est complètement faux. Et c'est une fois de plus mentir au public de dire ça, puisque de toute façon, on reprendra d'une main ce qu'on donnera pas de l'autre, si on peut dire. Voilà. Donc en 2018 et 2019, la hausse de la facture a frôlé les 8% en moyenne, et ce n'est certainement pas fini. Alors croire que c'est les mutuelles qui sont responsables, alors qu'on leur met des contraintes de plus en plus fortes, y compris d'alimenter la sécurité sociale financièrement, y compris de programmer des réserves dans l'espace européen, puisque les mutuelles ont été considérées comme des assurances vie et non-vie dans l'espace européen, ben aujourd'hui, ça veut dire qu'on provisionne et que ces provisions vont alimenter le marché financier et non pas forcément prévoir l'avenir. Voilà ce qu'il fallait dire par rapport à ce magazine Santé-Environnement, en sachant que quand on touche à un maillon quelque part, hein, on le voit pour les antibiotiques, on le voit pour le réchauffement climatique, et ben ça a des conséquences extrêmement fortes sur l'humanité complète. Et donc, si on ne rompt pas avec le profit sur cette terre, le profit à tout prix, le profit à court terme, bien sûr, on ne pourra pas ni éradiquer la pauvreté, ni prévoir des changements fondamentaux nécessaires, les changements fondamentaux nécessaires pour l'environnement. Voilà, j'arrive au terme de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et vous donner rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous, qui aura pour terme une émission mémoriale par rapport au décès de Philippe Antoine, un grand militant politique et syndical du secteur.